troisième temps de notre série consacrée à la justice dans la fabrique de l'histoire. Ce matin, nous nous intéressons donc à la demande de justice. Après nous être penchés lundi sur la justice médiévale avec Claude Gauvard et Maud Ternon, puis hier avoir fait le point sur l'épuration des années 1944-1945 avec François Rouquet et Fabrice Virgili, et avant demain d'en venir à la justice internationale avec le documentaire de Marion Dupont et Renaud Dalmar, nous allons ce matin nous demander ce qui motive l'exigence de justice, le recours au roi par exemple, ou encore le recours à la justice républicaine pour affirmer son droit, dans une émission qui sera co-animée par Marion Dupont avec nos trois invités. Pierre-Anne Forcadet est maître de conférences en histoire du droit à l'Université d'Orléans. Il est auteur d'une thèse sortie chez De Bocard en avril dernier qui s'intitule « Conquestus fuit domino regi », étude sur le recours au roi de France d'après les arrêts du Parlement de Paris. C'est sorti chez De Bocard. Martine Kalusinski est avec nous. Elle est directrice de recherche au CNRS et socio-historienne au laboratoire Pacte. Et Denis Salas est magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Et il vient de publié chez Desclés de Brouwer, La foule innocente. Bonjour Marion Dupont. Bonjour à vous, Denis Salas. Bonjour. Bonjour Martine Kalusinski, merci d'être avec nous en Bonjour. Duplex. Ça sera plus difficile peut-être pour vous, mais nous allons vous donner la parole très régulièrement. Et bonjour Pierre-Anne Forcadet, merci d'être venu à notre invitation depuis votre université d'Orléans, où vous enseignez l'histoire du droit. Vous êtes spécialiste d'histoire médiévale, on aura beaucoup parlé de Moyen-Âge dans cette semaine, puisqu'on a commencé cette semaine avec Claude Gauvard et Maud Ternon, mais vous êtes historien du droit. Vous avez quand même fait votre thèse sous la direction de Claude Gauvard, dont on a parlé, qui est venu notre invité. Non, pardon. Elle a présidé mon jury. J'ai commencé avec Albert Rigaudière ma thèse, et je l'ai fini avec Corinne Leveleut, etc., qui sont tous les deux d'éminents professeurs en histoire du droit. Voilà. Claude Gauvard a présidé mon jury. Voilà. Avec d'autres historiens du droit. Alors, on aura compris à cette petite précision qu'effectivement, histoire du droit et histoire, et d'ailleurs, certains de nos auditeurs nous ont écrit quoi, il n'y a pas assez d'historien du droit dans cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire. Vous êtes là pour pouvoir les représenter tous, donc vous avez un grand rôle, une lourde responsabilité. Pierre-Anne Forcadet, mais néanmoins, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va commencer avec vous sur ce moment médiéval, pourrait-on dire, puisque vous avez conçu votre thèse sur ces recours au roi, justement, dont on note la trace à partir du 12e, plutôt du 13e siècle, par la naissance de ce qui va devenir le Parlement de Paris, dont on parlait lundi donc avec Claude Gauvard, ce qui va devenir le Parlement de Paris, et donc cet endroit qui va prendre une place considérable dans la justice royale médiévale, aux alentours de Saint-Louis, puis plus tard de Philippe le Bel. Ce recours au roi, c'est une façon pour les sujets du roi de remonter au plus haut de ce qui n'est pas encore une pyramide judiciaire, mais qui va devenir Pierre-Anne Forcadet. Oui, tout à fait. Oui, ma thèse, j'ai commencé en réalité en réfléchissant sur les légistes, sur les juges, et puis finalement, ça m'a pas paru fécond pour continuer ma thèse. Et elle est beaucoup partie d'une source qui est vraiment fondamentale. C'est ce qu'on appelle les olimes, qui sont un recueil de tous les actes des procès à partir de 1254, et il y en a plus de 3400. Et c'est vraiment une thèse qui est née à partir de cette source. Je suis parti pas du tout avec cette idée préconçue que la justice pourrait venir d'en bas, mais c'est vraiment les étudiants que j'en suis venu là. Et je pense en effet que l'institution vient autant d'en haut que d'en bas, que un historien qui s'appelle Smale, je crois, a travaillé sur Marseille, qui est pas dans le domaine royal à cette époque-là, mais il parle de consommation de justice. Qu'est-ce que ça veut dire, consommation de justice, selon lui et selon vous? C'est-à-dire, à mon avis, que les justiciables mettent en concurrence les justices et choisissent d'aller par préférence devant le roi plutôt que devant les autres justices. Claude Gauvard en parlait lundi, ecclésiastiques, surtout seigneuriales et même urbaines. Et que la hiérarchie, vous le disiez, qui se met en place, cette hiérarchie se met en place largement parce que les justiciables passent au-dessus en faisant appel, ou en premier degré s'adresse directement au roi. Est-ce que ça tient à cette image que l'on a gardée de Saint-Louis en particulier de comme roi de justice? Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est différent de cela? Parce que voilà un roi qui par ailleurs enquête sur son peuple et les travaux de Marie de Joux, par exemple, qu'il faut toujours citer pour sa formidable thèse sur les enquêtes sous Saint-Louis, justement, nous montre effectivement que c'est un roi qui va administrer son territoire de façon très précise, va aller au plus près, va envoyer des envoyés qui vont aller au plus près pour faire des enquêtes auprès de ce qui ne sont pas des, ce qui n'est pas des citoyens, mais des sujets du roi, et enquêter sur la façon dont ils vivent, dont ils conçoivent même le pouvoir royal et ses délégations dans les régions. Donc il y a bien quelque chose qui descend d'en haut, du côté du souverain, mais il y a aussi, dites-vous, dans votre travail de thèse, Pierre-Anne Forcadet, quelque chose qui remonte d'en bas, les deux se rencontrant autour de la figure du roi, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Marie en parlerait mieux que moi, mais c'est plus précisément ces enquêtes qui commencent en 1247. C'est vraiment le roi qui, en effet, descend et qui va voir les gens et dans tout le domaine en disant « De quoi avez-vous à vous plaindre ?» par rapport à l'administration royale, par rapport aux générations précédentes. En plus, Philippe Auguste, Louis VIII, qui ont grandement agrandi le royaume. Et il y a eu des pillages, il y a eu l'armée qui est passée, qui vous a causé des troubles. On va vous réparer. On vient partout et on dit « le roi s'excuse ». Le roi est prêt à vous rendre justice. Et je pense, et c'est ce que j'ai montré au-delà de ça, je crois, c'est qu'il y a une espèce d'acculturation, en fait. C'est que si le roi est prêt à aller voir les gens et leur dire « je vais vous rendre justice, je vais réparer mes dommages », après, si les gens sont embêtés par un petit seigneur qui les perclut d'impôts, qui les arrête, ils vont se dire « si le roi lui-même répond de ses actes, on va pouvoir aller attaquer, on va pouvoir aller demander justice, demander réparation de quiconque. Et c'est, à mon avis, cette espèce d'acculturation. D'aller-retour, pourrait-on dire. Voilà, c'est ça. Et les deux, évidemment, étant dans les deux sens, oui, l'un ne remplaçant pas l'autre. Mais je pense que le fait que le Parlement voilà, se mette vraiment en place et qu'il y ait beaucoup de jugements à partir des années 40-50, c'est pas à notre... 1250, reprisons voilà. Aux auditeurs qui ne sauraient pas qu'on est en train de parler du XIIIe siècle avec vous, Pierre-Anne Forcadet. Donc, si vous travaillez sur cette question-là, et si ce que vous nous dites est issu des olimes, donc de ces documents que vous avez retrouvés dans les archives royales et les archives qui sont maintenant conservées aux archives nationales, c'est que d'une certaine façon ça n'était pas évident. Et ce qui est intéressant, c'est que votre thèse non pas entre en confrontation avec des interprétations antérieures du droit et en particulier de la justice, c'est-à-dire une justice qui descendrait d'en haut, mais que d'une certaine façon elle rejoint cette thèse un courant contemporain d'histoire du droit et d'histoire qui s'intéresse justement à ces demandes de justice, à cette réclamation venant du peuple, de la population, des sujets du roi ou des citoyens de la République vis-à-vis d'un pouvoir pour demander réparation ou pour demander justice, Pierre-Anne Forcadet. Oui, je pense qu'il faut remonter en arrière pour bien comprendre plutôt que de voir rétrospectivement par chronocentrisme. Il y a un fond carolingien notamment, il y a le Ministerium Regis, le roi exerce un ministère, c'est-à-dire qu'il a une dette de justice. Ça, c'est déjà très ancien et on attend énormément de lui. Et évidemment, il y a l'aspect religieux, hein, vous parliez de cette image de justice, mais le roi, parce qu'il est sacré, à une dimension populaire qui est vraiment patente. Et vraiment, plutôt que rétrospectivement, ou de se dire le roi crée une institution, je pense qu'en effet, ça part plutôt sur cette image qu'il a auparavant et qui va nourrir et qui va vraiment s'attacher en envoyant ses enquêteurs et puis en rendant la justice ensuite à vraiment développer. Marion Dupont. Et donc c'est un vrai moment de construction de la légitimité de la justice royale ? Absolument, oui, oui, oui. Et encore une fois, qui n'est pas les 50 années, encore une fois, que j'ai étudié, hein, qui commence avant. Je rappelle que votre thèse porte sur la période de 1223 à 1285. Oui, c'est vraiment le cœur du XIIIe siècle. C'est vraiment une période centrale, à mon avis, où, encore une fois, où naît le Parlement, où naît une procédure, parce qu'il faut en parler. Hein. On imagine, et vous en parliez lundi avec Claude Gauvard, on imagine une justice sauvage, barbare. Au contraire, c'est extrêmement élaboré. Hein. Et je parle sous contrôle des gens qui connaissent le droit positif beaucoup mieux mieux que moi. Il y a énormément de procédures qui naissent à cette époque-là, et de procédures très précises, de descente sur les lieux, de litis contestatio, c'est-à-dire de mise en état et tout ça. Et oui. Oui, Denis Salas, vous voulez intervenir. Il y a une dimension religieuse, il y a une dimension de dette, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension stratégique ? Est-ce que le roi, finalement, en s'adressant, en demandant à ses justiciables de réparations, ne cherche pas aussi à contrer les excès de ses propres, de son armée, des excès de pouvoir de certaines de féodaux ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi chez lui de retourner cette arme contre tous ceux qui pourraient concurrencer son pouvoir au sein de son royaume ? Bien entendu, il ne faut pas être naïf. Hein. Je présente un peu cette justice qui vient d'en bas, mais c'est évidemment dans l'intérêt du pouvoir royal. Et le pouvoir royal, trois siècles après, dérivera vers la monarchie absolue, qui est déjà en germe. C'est-à-dire que ça vient de là. Et vous parliez de légitimité, c'est ça. Hein. La légitimité se construit, elle vient d'en bas, elle favorise et elle profite évidemment en haut. Alors, il ne faut pas raisonner en Machiavel. Je ne pense pas qu'il y a de la ruse. Je pense qu'il y a vraiment de l'honnêteté intellectuelle. C'est la conscience du roi, comme disait Marie de Joux, hein, qui le travail. Mais il combat les abus ecclésiastiques, il combat les abus seigneuriaux, et puis il maîtrise son administration. Pour le moment, elle est tout à fait docile. Hein. On n'est pas du tout avant encore, c'est pas du tout en germe les officiers, les parlementaires qui vont embêter et qui vont être en conflit avec le roi. Hein. Pour le moment, c'est vraiment très maîtrisé. Mmh. Marion Dupont. Si le pouvoir royal se légitime par sa capacité à rendre la justice directement, est-ce que c'est aussi le moment où, à l'inverse, parce que le roi est sacré, parce qu'il s'adresse au peuple, etc., le peuple, pour les siècles à venir, va se donner la légitimité d'aller demander justice ? Oui, je pense tout à fait que c'est une société qui est vraiment... empreinte de religion de manière qu'on ne peut pas mesurer. Encore une fois, on ne peut pas juger avec nos concepts modernes de laïcité et de légicentrisme aussi. C'est-à-dire que la justice, il faut le concevoir comme institution, évidemment, c'est ce que j'ai étudié, mais comme valeur, comme vertu et comme finalité même de toute cette société-là. Donc d'en haut comme d'en bas, c'est vraiment un moyen et une fin. Et plus tard, la loi et l'importance de la loi, à mon avis, intervient beaucoup plus tard, peut-être même qu'à la Révolution, peut-être même qu'avec Napoléon. Mais c'est vraiment... Denis Salas. C'est intéressant parce que on a une vision de la justice aujourd'hui très répressive, très étatique, très, oui, légicentrique. Et là, on a une justice extrêmement réparatrice. Et ça me semble très très fort par rapport à la résonance que ça a aujourd'hui, parce que la justice effectivement répare avant tout les torts commis à la société. Et aujourd'hui, on redécouvre cette fonction-là par-delà la fonction purement répressive ou purement normative en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement le noyau, l'essence même de l'œuvre de justice qui se trouve concrétisée par l'œuvre de Saint-Louis ? Oui, Kieran Forcadet. Absolument, et justement, les confrères des historiens des facultés de lettres parlent d'infrajudiciaire dans cette c'est une expression que j'aime pas parce que ça nous ferait penser avec notre œil actuel que c'est une sous-justice. Pas du tout. La conciliation, les accords, les médiations font partie de la justice, font partie intégrale de la justice intégrante, comme les arbitrages. Et le roi essaye de s'y immiscer, et essaye. Petit à petit de s'y immiscer. Oui, vous dites dans un de vos travaux, Pierre-Anne Forcadet, donc je rappelle que vous avez publié votre thèse en avril, donc il y a deux mois de cela, chez De Bocard, vous dites que l'historien en général retient plus le conflit que la collaboration et que vous, votre travail, c'est justement à travers ces requêtes faites au roi au Moyen-Âge, donc pour demander justice de la part de ses sujets auprès de ce qui va devenir le Parlement de Paris, eh bien, c'est de travailler sur cette collaboration, pourrait-on dire, d'une institution qui n'est pas encore totalement cristallisée dans sa forme définitive, et ça sera pour le siècle suivant, mais d'une certaine façon un travail de collaboration justement plutôt que de conflit pur. Parce que tout compte fait, ces sujets mettent en cause le roi lui-même. Et il accepte d'être mis en cause, donc au titre de peut-être de son caractère sacré, au titre de sa figure royale. En tout cas, il accepte d'être mis en cause pour justement que la justice advienne et que ses sujets soient plus satisfaits, pourrait-on dire, de la justice telle qu'elle est rendue dans le territoire royal. Oui, il n'y a pas que le caractère religieux. D'ailleurs, vous en avez parlé lundi avec Claude Gauvard. Il y a la place du droit romain, c'est-à-dire la technique juridique qui va beaucoup aider pour. Bon, il faut réparation. Dire qu'à ce moment-là, se met en place aussi ce qu'on appelle la procédure romano-canonique, c'est-à-dire, enfin, il y a aussi cette fusion, pourrait-on dire, d'un droit venant de l'Église et d'un droit romain qui s'y insère et qui va donner les procédures que nous connaissons ensuite sur notre territoire. Mais sur le conflit, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je pense qu'on surestime très largement. Mais aujourd'hui aussi, du reste, la place du pénal. Moi, j'ai montré qu'il y a à peu près 15% des procès que j'ai traités sur les 3400 qui touchent à ce qu'on appellera aujourd'hui du pénal, à de la violence. Et Claude Gauvard le disait elle-même, et c'est tout à son honneur de le reconnaître, parce qu'elle a travaillé surtout sur des affaires de violence. Sur les crimes. Mais c'est tout le reste. C'est tout le reste. C'est en effet mettre en cause la responsabilité du roi, c'est-à-dire attaquer ce qu'on va bientôt appeler l'État. Hein. Je pense que des collègues parlent d'État de droit. C'est-à-dire que la moitié des procès aussi, par ailleurs, j'ai montré qui sont adressés contre le roi, contre son administration, contre ses baillis, mais contre le roi lui-même. On réclame des choses au roi. Donc oui, il y a une collaboration, tout à fait. Alors. Denis Salas. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le roi cherche à déconflictualiser la société, à ramener la paix dans son royaume, par son initiative, en cherchant l'adhésion à sa figure. Et puis il faut insister sur la notion d'enquête quand même. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'enquête, c'est une enquête qui est diligentée par les hommes du roi et qui va effectivement chercher la vérité de son royaume, la vérité de la faute qu'il a pu commettre lui aussi, ou des excès qui ont pu être commis en son nom. Et l'enquête va être effectivement l'amorce aussi du système romano-canonique, du système inquisitoire qui va régner dans la justice dans les siècles qui vont suivre. Donc il y a une anticipation à travers les enquêtes de Saint-Louis en particulier, sur la justice qui va devenir peu à peu, et cette enquête qui va générer le modèle juste dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Oui, il faut quand même reconnaître effectivement ce que l'on doit à ce modèle qui se met en place aux alentours du XIIe ou du XIIIe siècle sur lequel vous travaillez. C'est 1215, c'est l'Église qui... alors évidemment, il y a la légende noire après de l'Inquisition, mais avant tout, et beaucoup plus pacifiquement en quelque sorte, et beaucoup plus rationnellement en tout cas, c'est la procédure inquisitoire qui se met en place contre la procédure accusatoire. Donc on dit, évidemment, la fameuse ordonnance de 1254-58, Saint-Louis remplace le duel judiciaire par l'enquête. Je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais bon, c'est un autre problème. Mais en effet, il met en place des témoignages, des descentes sur les lieux, plutôt que le duel qui, évidemment, profitait celui qui payait le meilleur champion. Hein. C'était une justice, et c'est ce qui choquait profondément Saint-Louis, c'était une justice que seuls les riches pouvaient se permettre, tout simplement, ou qui, en tout cas, était irrationnel, qui était une justice de violence et qui réparait pas. Vous avez raison. Ouais. Alors que la justice, la procédure inquisitoire qui se met en place, et les différents types d'enquêtes, parce que c'est pas le même type d'enquête que celle de Marie de Joux, qu'on a appelé longtemps enquête administrative, mais dans la procédure, pour régler le procès, pour trouver la vérité judiciaire, c'est tout à fait important. Alors on va faire un grand saut avec vous, Marie, avec vous, donc vous êtes en duplex avec nous, Martine Kalusinski, vous êtes directrice de recherche au CNRS et socio-historienne, vous avez fait une thèse d'histoire et vous êtes intéressée ensuite à la sociologie, vous travaillez donc sur l'évolution, pourrait-on dire, de la justice républicaine, donc si on fait un grand saut, on passe malheureusement pour nos auditeurs sur 4 ou 5 siècles d'histoire jusqu'à la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution change justement à ce qui vient d'être présenté comme prémisse, pourrait-on dire, à notre histoire par Pierre-Anne Forcadet, justement de ce qui se passe au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui change justement avec l'irruption donc d'une révolution aussi importante dans le domaine juridique que la Révolution française? Et il a déjà évoqué effectivement la place que tiendra ensuite Napoléon dans l'instauration de ces lois qui vont se mettre en place et qui vont rompre avec l'ancien régime. Martine Kalusinski. Alors merci beaucoup de me donner la parole. C'est difficile d'être loin parce que j'aurais déjà voulu intervenir en quelque sorte sur... Je ne vous ai pas entendu, je m'excuse. C'est pas grave, hein, à la fois sur sans doute la manière de voir et de travailler cette question de la justice, à la fois sur les conflits et collaboration, sur ce que disait Denis Salas, une justice qui n'est pas que répressive mais réparatrice, et qui montre aussi que la justice peut être un contre-pouvoir. Et moi, ce qui m'intéresse effectivement dans l'ensemble de mes travaux, du 19e au 20e, c'est les rapports entre droit, justice et politique, et de voir effectivement la justice comme une administration, une institution, mais qui régule en quelque sorte au sein de la société. Alors je ne suis pas spécialiste de la Révolution française, mais j'ai essayé de m'intéresser, étant plutôt spécialiste de la Troisième République, mais la Troisième République comme un laboratoire historique pour travailler la question de la République dans ses rapports avec la justice. Bien sûr. Et donc de m'intéresser avec des travaux plutôt secondaires sur lesquels je me suis appuyée pour travailler cette question qui est celle d'un terme qui peut être un peu barbare de la judiciarisation ou de la juridisation, qui est plutôt de la place de la justice dans la société, ce recours croissant à la justice ou au droit, que ce soit singulier et pluriel, dans la société, et de voir de quelle manière et l'institution judiciaire et cette demande de droit étaient en fait investis dans les sociétés. Oui, mais néanmoins, cet état dont parlait tout à l'heure Pierre-Anne Forcadet comme étant en gestation, pourrait-on dire, au Moyen-Âge. On sait très bien qu'effectivement l'état moderne naît progressivement au cours de ces derniers siècles du Moyen-Âge et que se développe ensuite pour arriver aux périodes dont on parle avec vous, Martine Kalusinski. Cet état, donc, il est déjà formé, là, quand on parle de la Révolution française et du 19e siècle, il est dans sa pleine puissance. Et évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure entre réparation et donc une justice qui punit, c'est déjà à l'œuvre depuis longtemps, d'une certaine façon. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, enfin, de pouvoir observer, c'est que cette place que peut prendre la justice dans la société, elle part d'une demande, puisque c'est aussi l'intitulé de votre émission, peut-être une demande de pouvoir de la part des juges, mais aussi une demande de justice de la part du public. Oui. Et ce qu'on voit avec la Révolution française, c'est qu'il y a une demande de justice qui s'accompagne, alors je ne suis pas véritablement spécialiste, c'est un travail, d'une exigence qui s'exprime par exemple dans les cahiers de doléances. Il y a aussi une sorte d'avènement du pouvoir judiciaire qui ne se fait pas de manière univoque et consensuelle, mais Sophie Vaniche, dans un article qui s'appelle Produire des normes sur la Révolution française, elle parle justement de conflits normatifs qui voient apparaître une nouvelle intuition normative de justice. Et c'est surtout que c'est une période où on voit une sorte de méfiance à l'égard de la justice qui s'exprime dans l'idée que tout citoyen peut être juge, qu'être juge n'est plus un métier, que c'est un devoir. Et reste du coup que le thème de l'élection des juges va être abandonné au profit de leur nomination, ce qui signifie que le pouvoir garde la main sur la justice, qu'il introduit la notion fondamentale de hiérarchisation. Donc c'est un moment où les cartes peuvent être rebattues et ne le sont pas véritablement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et qu'il y a une demande qui s'exprime de façon un peu plus matérielle et concrète, du peuple, ce que j'appellerais plus tard, de façon plus contemporaine, en place société, dans un rapport à la justice et de demande de justice, avec sa possibilité d'intervention et de s'emparer aussi de la justice. Je sais pas si c'est une question par le bas. Oui. Une question de Marion Dupont. Oui, Martine Kalusinski. Excusez-moi, vous dites donc dans l'un de vos travaux que justement en 1789, au moment de la construction de cette méfiance envers les juges, il y a une sorte de pensée qui commence à se répandre que tout le monde est, et en tout cas doit être juge, que tous les citoyens doivent être juges. Alors, ce ne sont pas mes travaux. Je me suis appuyée sur des travaux parce que moi, mes travaux portent sur la période travaux du 19e. Qui m'appartiennent sur le 19e siècle. Je me suis beaucoup appuyée donc sur des historiens de la Révolution française et entre autres donc les travaux de Sophie Vaniche sur l'impossible citoyen où elle parle beaucoup de la législation sur les étrangers et aussi la manière dont l'ensemble de ces débats, de ces controverses ont émergé dans la société. Donc je ne serais pas à même de pouvoir défendre au mieux ce qui se passe sur la Révolution française parce que je n'ai pas été confrontée directement à ce matériau. Mais à l'entendre et en lisant les choses, oui, on a une... Comme on est dans un moment de bouleversement, de crise, de révolution en tant que tel, il y a une sorte, comme l'a dit Emmanuel Laurentin, de transformation du jeu. Les cartes sont rebattues et donc il y a une forme de possibilité, en tout cas dans le rapport au droit, là je dirais au pluriel, et que la justice, effectivement, comme institution, représente. Donc c'est plutôt l'émergence dans cette période révolutionnaire d'un droit de l'individu qui pourrait, c'est voilà, le peuple, la longue patience du peuple, voilà, de Sophie Vaniche, c'est le peuple qui pourrait prendre en main et aussi par rapport à, aux questions de justice, sa destinée en quelque sorte. C'est comme ça que je le comprends. Denis Salas et puis Pierre-Anne Fork. Oui, j'irai dans le même sens que Martine Kaluzinski, c'est-à-dire que, et même plus fortement, le moment 89 est très très fort dans notre histoire judiciaire. C'est le moment, si vous voulez, et François Furet l'a bien montré, c'est le moment où la justice construite par des siècles par l'État et le roi, va surgir littéralement de l'intérieur de la société. On va faire surgir la fonction judiciaire de l'intérieur de la société et on va complètement éliminer les professions qui jusque-là étaient en place, en quelque sorte, les magistrats, les avocats, les corps intermédiaires, le barreau. Paradoxalement, ce sont des avocats qui vont destituer leurs propres collègues. mais c'est tout à fait fascinant, ce moment-là. Et alors, c'est le moment où, effectivement, le peuple va s'emparer de la justice, littéralement, comme on s'empare de la Bastille, en quelque sorte. Et où l'élection des juges va apparaître pour deux ans, très très peu de temps, et où va apparaître une institution majeure aujourd'hui, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, qui est le jury. Le jury va être l'institution qui va être effectivement celle dont nous allons hériter pour très longtemps. Il va subsister malgré beaucoup de tentatives de la supprimer. Pierre-Anne Forcadet. Oui, j'aurais pas tout, enfin peut-être pas la vision exactement ou une petite nuance que je pourrais apporter. Je pense qu'on peut remonter un peu avant 89. Je pense que Montesquieu, quand il explique que la justice ne doit être que la bouche de la loi, et les révolutionnaires vont tout à fait le suivre, ont une vision de la justice qui doit être mathématique, c'est-à-dire la loi dit ça, je l'applique et je n'ai rien d'autre à faire. Donc je pense que les révolutionnaires, je ne sais pas, je l'ai pensé bien entendu, on détruise les parlements et vous le dites bien, toutes les professions. Mais au-delà de ça, l'institution de la justice, je pense, est vraiment, il y a une volonté de la domestiquer par les révolutionnaires et même en donnant au peuple, mais de manière pas anecdotique, mais le jury très ambitieux qu'envisage les révolutionnaires tombe presque à l'eau, et puis jusqu'à nos jours, se réduit de plus en plus. Et ça ne marche pas. Et après la Révolution, la justice et les juges et la Cour de cassation, refondée par Napoléon, vont reprendre en quelque sorte du poil de la bête, parce que le peuple le demande. Mais cette histoire, la loi ne suffit pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Elle s'interrompt avec l'Empire et le Consulat, mais ensuite elle va reprendre par la suite. Oui, alors justement, vous qui êtes spécialiste du 19e siècle, en l'occurrence Martine Kaluzinski, justement, qu'est-ce qui se passe avec, disons, la fin de ces changements de régime très nombreux qu'on connaît au 19e siècle pour le moment où s'instaure la Troisième République et où, mis à part ce qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, dont on parlait hier, eh bien, se met en place justement une justice républicaine avec la Troisième République. Oui. Alors, juste aussi pour clore le débat sur la Révolution française, parce que j'ai essayé d'intervenir, il faut dire comme c'est un laboratoire historique extrêmement important, comme l'a dit Denis Salas, on voit aussi des expériences de justice relativement modernes, par exemple, aux tribunaux de famille, où du coup, on va mettre en place des citoyens lambda, en quelque sorte, qui vont, ça correspond aujourd'hui à ce que seraient des maisons de justice ou des formes médianes ou de médiation de la justice, qui vont pouvoir résoudre des conflits d'ordre privé avec, effectivement, la composition de membres, de personnes qui sont pas directement appartenant à l'appareil judiciaire. Donc, c'est intéressant de voir que les contextes de bouleversement produisent aussi ce type d'expérience et de pratique de la justice. Mais qui, il faut le dire, s'interrompt, comme le disait Denis Salas, assez rapidement. Mais ça a existé. Donc, oui, c'est ça. De toute façon, ça a un sens et ça marque en quelque sorte. C'est une histoire des possibles que vous êtes en train de nous raconter. Mais oui, c'était une invention puisqu'il y avait déjà une conciliation et cette justice qui n'était pas purement étatique dès l'origine de la justice. On s'arrête un peu avec vous sur cette Troisième République que vous connaissez bien, puis sur ces républiques qui ont succédé, 4e et 5e, Martine Kaluzinski, qu'est-ce qui se passe justement avec l'instauration de la République? Parce que tout compte fait, il n'y a plus cette figure royale dont on parlait au Moyen-Âge. Cette figure royale n'est plus là. Comment, justement, cette demande de justice s'incarne-t-elle? Dans quelles institutions? Dans quelle façon de procéder prend-elle sa place, cette demande de justice populaire qui vient de la société, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui réclame justice? alors que je connais bien, et Denis Salas également. Hein. Le 19e siècle voit. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est bien. Se constituer un ordre judiciaire. Et donc, il y a la nécessité là qui apparaît justement dans les travaux qui m'intéressent sur les relations souvent un peu fratricides ou fraternelles entre droit, justice et politique. La nécessité absolue de garantie d'indépendance des magistrats. Donc, on voit se réaliser en marge de l'affirmation du judiciaire comme un pouvoir qui est essentiel et irréversible dans l'opinion. Et on voit les magistrats prendre une place assez importante dans la société. D'abord, ce sont des notables au sein de leur territoire, quel qu'il soit. Ils peuvent cumuler des rôles politiques, ce qui n'est pas d'ailleurs un facteur qui les met dans une dépendance par rapport au pouvoir politique. Et c'est vrai que la magistrature, par exemple, c'est l'un des principaux artisans de la victoire de la République et de sa démocratisation au début du XXe siècle. Sans pour autant qu'on occulte différentes tentatives de mainmise du pouvoir politique sur la justice. Et c'est vrai que juger devient aussi un acte politique par lesquels des juges peuvent s'affranchir. On parlait de Montesquieu et de la bouche de la loi, mais la loi, elle peut être interprétée. Et on parle, je crois que dans tous les manuels du droit, des historiens du droit aux historiens, on parle du bon juge Magnot, dans le syndicat, la magistrature pourra dire que c'est le premier juge rouge, mais qui est ce juge qui a essayé, tout en étant, en respectant la loi, de l'interpréter, donc de mettre en place une notion d'équité. Et donc, on pourrait dire qu'il s'est arrogé une fonction politique en ne sanctionnant pas de façon aussi grave que ça le devrait un vol qui voilà lui était présenté. Vous voulez dire, il y avait la lettre de la loi, il y avait l'interprétation de ce juge, il y avait l'esprit de ce jurisprudent. Le bon juge, comme on l'appelle, ou le juge Magnot de Château-Thierry, apparaît comme un des premiers juges politiques, ou en tout cas qui, dans la décision de justice qu'il met en œuvre, est dans une interprétation de la loi et on, du coup, pratique justement par rapport à l'image qu'on a de la justice ou de ce que peut être le droit, bon, de dire la force du droit et donc d'un droit qui, ou d'une justice qui serait celle des puissants, où là, on a un exercice de la justice qui va plutôt accompagner et être au service du peuple en étant un peu rapide. Denis Salas. C'est intéressant parce que c'est l'opposition entre l'équité et la loi. C'est-à-dire que le juge Magnot, en l'occurrence, se fait le porte-parole d'une demande d'équité. On est à quelle époque avec le juge Magnot? On est au fin 19e. À peu près. Donc il se fait le porte-parole d'une demande d'équité qui surgit de la société. Pourquoi condamner aussi lourdement une fille qui a volé un pain pour nourrir son enfant? C'est un scandale social, une indignation morale, en quelque sorte. Il se fait le porte-parole de cette indignation morale et va transformer le droit à son tour, en se faisant en translatant, en quelque sorte, cette indignation dans le droit, en créant l'état de nécessité. Donc on voit bien comment le droit se nourrit aussi d'une demande d'équité dont le juge se fait le porte-parole. Martine Kalosinski, donc vous avez toujours travaillé dans ces confins entre sociologie, histoire et politique. Cette demande de justice dont on parle depuis le début de cette émission, avec vous, avec Pierre-Anne Forcadet, avec Denis Salas, s'exerce-t-elle de manière très différente au XXe siècle, en particulier avec effectivement des populations judiciaires qui sont très institutionnalisées, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui prennent une place très forte dans la représentation aussi populaire, pourrait-on dire, de ce qu'est la justice, Martine Kalosinski. Alors, pour faire la passerelle et l'articulation entre ce que je viens de dire et comme le XXe siècle, il faut voir aussi que c'est une période, le XIXe siècle, où la question de l'opinion publique, il faut voir tous les travaux de Tarde, etc., est tout à fait prégnante. Gabriel Tarde, exactement. On voit apparaître justement au sein de grandes lois pénales qui sont, à mon avis, aussi constitutives que les grandes lois de liberté publique pour tramer et pour constituer ce que sera la République, dans les arguments, l'incantation et l'invocation à l'opinion publique, donc c'est l'opinion publique, et donc on est passé du peuple à l'opinion publique pour aujourd'hui arriver peut-être à ce qui sera la société, qui est, comme on le voit beaucoup, l'opinion publique demande, exige, gronde, etc. Et l'opinion publique où le peuple est si présent qu'on peut penser aussi à cet événement qui est l'affaire Soleillant, qui est un homme qui a tué quelqu'un, et où le Parisien met en place un référendum pour demander s'il faut maintenir ou abolir la peine de mort. Et il y aura plus d'un million de personnes qui vont répondre pour effectivement maintenir la peine de mort. Ce qui voit que on voit qu'on fait participer, en quelque sorte, le peuple à la constitution ou la manière d'exercer la justice. Mais ça veut dire qui se met en place. Ça n'est pas le roi Saint-Louis, Louis IX qui envoie ses envoyés, ses baillis pour comprendre ce que pensent ces sujets, mais c'est en l'occurrence le pouvoir qui, d'une certaine façon, par l'intermédiaire d'un grand journal très populaire qui tira plus d'un million d'exemplaires à ce moment-là, va demander ou créer même cette demande de l'opinion publique qu'on connaît aujourd'hui avec effectivement les sondages et tout ce que nous connaissons. C'est cela, Martine Kalusinski ? Oui, c'est tout à fait ça. Du coup, effectivement, là, le peuple apparaît, mais plutôt, instrumentalisé, en quelque sorte, et comme un argument extrêmement fort, mais qui revient de façon très massive dans les débats et les controverses pour que la loi soit votée. C'est un argument électoral, sécuritaire, enfin voilà, c'est à l'initiation de ce qu'on pourra voir plus tard avec d'autres lois. Terminez, Martine Kalusinski. Non, et après je voulais passer parce qu'à chaque fois vous me posez une question et je reviens sur un petit peu avant. Vous reculez l'obstacle. Pour essayer de clôturer. Non, j'essaye de donner une articulation entre les périodes et par rapport à votre intitulé sur la question effectivement du peuple, de l'opinion publique ou de la société. Oui, alors justement, Denis Salas, ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, cette question de la société, avec la notion, la naissance, pourrait-on dire, à la fin du 19e siècle, de la sociologie, de son développement, de cette façon de prendre en compte, justement, une société en mouvement, pourrait-on dire, va considérablement avoir des conséquences, y compris sur la justice, tout au long du 20e siècle. Si on arrive, on n'est pas tout à fait au terme de notre discussion, mais on arrive au champ plus contemporain, pourrait-on dire. Vous venez de publier La foule innocente, un travail sur une vision de la foule qui n'est pas la foule du 19e siècle, qui est une foule dangereuse. On a eu des travaux de Laurent Dornel en particulier sur ce sujet-là, qui est une foule menaçante, pourrait-on dire, mais une foule que vous intitulez innocente, qui est cette foule qui, là aussi, demande justice récemment, par exemple, face à la question des attentats. Vous avez suivi certains des procès qui ont eu lieu autour des attentats de 2015. Qu'est-ce que cette demande a de si particulier, de si différent de ce que nous avons décrit depuis le début ? Vous aviez déjà fait le lien avec la période médiévale, avec cette demande de réparation en particulier qui était à l'œuvre dans la société médiévale, dans la demande au roi. Est-ce que c'est quelque chose d'assez proche de cela que vous ressentez justement, qui serait en rupture avec la période précédente et en particulier le 19e et le 20e siècle. Ce que je ressens, c'est précisément la volonté, une volonté populaire, une volonté victimaire en l'occurrence, de faire effraction dans un système pénal très construit par des professionnels. Le dommage, finalement, est construit par le droit comme une infraction, comme demandant une peine, dans une grille d'analyse purement répressive, en quelque sorte, où la réparation, finalement, n'a pas une grande place, si vous voulez. Donc il faut absolument qu'un tiers intervienne, qui est effectivement cette victime, qui va s'organiser, qui va s'outiller, qui va intervenir par la notion juridique de partie civile, et qui va effectivement demander justice au sens où elle était victime d'une violation de ses droits, où elle va demander cette réparation. Mais il faut effectivement que pour y parvenir, elle construise un outil de travail qui va être très souvent une association, que beaucoup de sociologues appellent des entrepreneurs de morale, en quelque sorte, qui vont effectivement porter cette parole en justice et exiger réparation, ce qui n'est pas facile pour un système judiciaire qui est construit essentiellement pour punir, ou pas, si les preuves ne sont pas réunies, et pour indemniser. Mais est-ce que effectivement justice est rendue quand la punition est effectuée et quand un dommage est simplement indemnisé ? Non. Alors très souvent, l'enjeu de ces procès, c'est l'enjeu de recevoir une parole victimaire, qui va demander justice, mais une justice que ne peut pas toujours rendre à l'identique, le système lui-même. Oui, c'est ce que vous appelez, Martine Kalusinski, les usages protestataires du droit, c'est-à-dire que le public, la société, pourrait-on dire, puisqu'il faut tout de même employer ce terme, la société se saisit du droit pour pouvoir donc protester contre contre tel ou tel phénomène, que ça soit des phénomènes qui touchent au domaine de l'environnement, de l'écologie, de la sécurité, d'autres choses. En tous les cas, en tout cas, il y a une saisie, pourrait-on dire, là aussi, une demande de justice par le bas qui met en cause aussi généralement le politique. Oui, tout à fait. Jacques Chevalier, qui est un professeur de droit, disait que la justice, ça apparaît comme la nouvelle scène de la démocratie. Et que, également, les citoyens devaient se concevoir à tout moment comme des acteurs du droit auxquels ils sont soumis en tant que destinataires. Et donc, on observe, alors sans doute à partir des années 70, où il y a aussi des révolutions au sein de la profession judiciaire, le NEM, etc. Donc, un ensemble de bouleversements. Les citoyens, petit à petit, l'École nationale de la magistrature, les citoyens, petit à petit, s'approprient, osent aller vers quelque chose qui leur semble assez inaccessible, drapé d'un langage, d'un monde assez nébuleux, et vont petit à petit, on le voit par exemple avec la naissance du GISTI, qui est le groupement d'intérêt autour des travailleurs émigrés dans les années 70, composé de hauts fonctionnaires, dont l'objectif principal est d'accompagner les immigrés par la ressource juridique. Il y a tous les travaux de Liora Israël là-dessus, qui a d'ailleurs écrit un petit bouquin super qui s'appelle « L'arme du droit ». Et on voit comment le droit... Nous avions invité Liora Israël, mais elle est aux États-Unis ces temps-ci, donc elle ne pouvait pas être avec nous en direct. Voilà. Donc, en fait, où le droit est saisi, investi, par des citoyens, alors au début par des associations avec des gens qui peuvent avoir un certain, donc c'est des hauts fonctionnaires à capital social, et qui vont prendre la ressource juridique, mais vraiment comme une ressource, pour accompagner des combats politiques ou même accompagner une cause. Ce que Liora appelle, en ayant les travaux, les entrepreneurs de cause, les cause lawyers, vont prendre en quelque sorte une cause et par le biais, l'arme du droit, effectivement, pouvoir accompagner le combat politique. Ce qui dit d'ailleurs d'une défaillance sans doute du politique à pouvoir régler ou résoudre des questions politiques là où avant elle avait un peu mainmise sur ces domaines. Marion Dupont. Oui, Martine Kaluchinski, est-ce qu'on peut voir dans ce que certains voient comme la résurgence de ce que les anglo-saxons appellent le « name and shame », qu'on pourrait traduire par désigner et humilier en place publique. Est-ce que on pourrait voir donc cette résurgence de ce phénomène comme un prolongement de ce que vous étiez en train de dire, d'une forme de défaillance du politique et où le peuple vient soit précéder le judiciaire, soit même le déborder là où on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas légiférer sur tout ou parce que la loi est mal appliquée. C'est le name and shame qui s'est appliqué en particulier autour de l'affaire Weinstein dont on parle beaucoup depuis maintenant plus de 6 mois. Martine Kaluchinski et Denis Salas. Martine Kaluchinski. Denis, je commence. Alors, on n'en arrive pas encore là, mais c'est sans doute effectivement dans la prolongation, j'allais dire excessive, à partir du moment où c'est dans une forme d'un contrôle un peu total et que peut-être on sort du droit avec ce type de mouvement. On est dans des formes de mobilisation qui dénoncent, mais je ne suis plus sûre véritablement, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, la question des médias, des réseaux sociaux, la publicisation, mais le droit peut être un peu perdu. Donc peut-être que là, encore, le droit et la justice, par ce type de mouvement, sera dépassé et qu'on est dans une prolongation, mais qui nous rend compte d'autres représentations, on a changé un peu d'univers. On est sans doute dans une forme de juridicisation qui serait très très outré, qui va dépasser le domaine du droit. Ce qui suppose, comme le dit Martine Kaluchinski, ce qui suppose que le juge, dans sa mutation identitaire, s'autorise à être autre chose que le représentant de l'État ou de l'exécutif ou d'un pouvoir Est-ce politique. Est-ce que le juge peut être le représentant de la société ? Exactement. Eh bien, je crois que c'est la mutation actuelle. Le juge s'autorise à être un représentant du peuple, tout simplement, et à accueillir les demandes du peuple. Et c'est une mutation qui permet, qui autorise, quelque part, la légitimité de ces demandes dans le prétoire et qui les fait prospérer par la suite. Donc, l'accueil de ces demandes résulte d'une mutation identitaire du juge dans son évolution historique. Quant aux victimes elles-mêmes, dont je parlais tout à l'heure, il faut bien voir que cette autorisation par le juge permet effectivement de briser le récit national. Par exemple, dans l'après-guerre, le récit national mettait au premier plan le mythe de la résistance, le héros au combat. Les victimes de la Shoah, à partir du moment où le procès Barbie, Touvier, Papon sont intervenus, ont mis au premier plan les victimes précisément de l'extermination, qui est non pas seulement celle de la résistance. Donc il y a là une mutation dans la figure de la victime qui a joué un rôle très important. Ensuite, pour les attentats, c'est exactement la même chose. On a pu effectivement légitimer ces demandes en justice, les faire prospérer et autoriser des témoignages de victimes de leurs violations dans le prétoire. C'était une mutation importante, mais qui a été effectivement permise par la mutation de la justice. Oui, et vous insistez dans votre livre « La foule innocente » de Denis Salas sur ce cas qui est très intéressant, parce que ça rejoint ce que dit Martine Kaluzinski, c'est-à-dire cette demande du politique, Madame Latifa Ibn Zlaten, oui, qui, devant le fait que son fils, donc assassiné, tué par Mohamed Merah, a été considéré comme mort au service de la nation, je crois, demande à ce qu'il soit mort pour la France, mais le politique ne veut pas lui accorder ce terme de mort pour la France, puisqu'il n'y a pas supposément de guerre contre le terrorisme, dites-vous. Ça. Donc on voit bien c'est effectivement ça. Que cette demande d'une citoyenne rejoint cette question ce de la politique. Ce qui veut dire que le juge saisi par la victime, requalifie d'une certaine manière le sacré républicain et redonne une dignité à celui qui, dans les rituels républicains, n'en avait pas a priori. C'est une mutation très importante du point de vue du sacré républicain. Merci à tous les trois. On va évoquer avec vous très brièvement, Marion Dupont, le documentaire que vous allez nous présenter, qui a été réalisé par Renaud Dalma et que vous avez conçu, donc autour des tribunaux pénaux internationaux. On voulait évoquer cet aspect aussi, qui est une mutation très importante de la justice du XXe siècle, que sont les tribunaux pénaux internationaux. Vous avez insisté, vous, sur un cas, le cas d'un tribunal pénal international autour du Congo. Alors voilà, ce documentaire retrace une expérience qui est encore unique à ce jour, qui se place lors du procès Katanga, donc c'est le deuxième procès le deuxième procès de la Cour pénale internationale qui s'est ouvert en 2009, et pendant lequel le juge président, un juge français, Bruno Cotte, a fait appel à deux chercheurs en sciences sociales, un sociologue et une anthropologue, pour l'aider dans sa tâche. C'est la première fois que c'est le cas, que des sociologues ou des anthropologues se trouvent du côté du juge, même s'il y a une longue histoire des relations entre les sciences sociales et la justice internationale. Et donc voilà, le documentaire essaye de voir quelles étaient les motivations du juge, sous quelle modalité s'est faite cette collaboration, et les questions qu'elle a soulevées aussi. Et on écoute un extrait du documentaire de demain. Monsieur Katanga, n'est-il pas exact que Kasaki et Kakado n'étaient pas des militaires? Monsieur le procureur, ils n'étaient pas des militaires, mais ils étaient tout puissants. Tout puissants. Même quand vous mettez le canon sur la poitrine de Kakado, il vous demande de tirer. Président, c'est un phénomène. Quand on vous raconte ça ici, vous croyez que c'est une histoire que les gens ont inventée. Ces gens-là, ils étaient des tout-puissants. Je ne pouvais pas passer au-dessus de Kasaki, passer au-dessus de Kakado, non. Comment voulez-vous juger de manière objective, de manière intelligente et de manière sensée si vous n'essayez pas de vous pénétrer un tout petit peu de tout ce contexte qui est à des années-lumière de celui dans lequel vous avez travaillé jusqu'à cette date? Comment voulez-vous juger objectivement et déterminer une chaîne de responsabilité si par hasard l'un des accusés vient vous dire qu'il obéira d'abord au féticheur plutôt qu'à la personne qui, dans une chaîne de commandement militaire, est située au-dessus de lui? Voilà donc de quoi conclure notre série consacrée à la justice dans la fabrique de l'histoire. Ce sera demain, donc un documentaire qui s'approche avec vous, Marion Dupont et Renaud Dalmar, de cette question: que font les sciences sociales à la justice? Qu'est-ce que la justice peut retirer des sciences humaines et des sciences sociales, mais aussi les arts, parce qu'il y a aussi la présence dans ce documentaire d'un artiste, d'un poète qui a travaillé justement dans ce même tribunal en même temps que se déroulaient les procès. Et cela nous permet justement d'avoir aussi un autre regard sur cette réalité des cours pénales internationales. C'est ce que nous pourrons écouter demain. Merci à tous les trois. Merci à vous, Martine Kalusinski, d'avoir été avec nous en duplex depuis les studios de Radio France qui vous ont accueilli. Merci à vous, Pierre-Anne Forcadet, d'être venu. Je rappelle que votre thèse est donc publiée depuis 2 mois chez De Bocard et qu'elle s'intitule donc Le recours au roi de France auprès du Parlement, des arrêts du Parlement de Paris. Donc c'était une thèse que vous avez soutenue en 2012 et qui vient tout juste d'être publiée. Quant à vous, Denis Salas, eh bien La foule innocence est publiée chez Desclés de Brouwer. Oui, donc vous c'est chez De Bocard. Absolument. Et vous parliez de Marie Dejoux et on travaille avec elle sur un travail, pas de vulgarisation, mais pour actualiser un peu la justice de Saint-Louis avec 2 autres collègues qui va sortir bientôt aussi. Eh bien, on espère et on vous invitera ou on vous réinvitera à cette occasion-là parce qu'on voit combien, depuis les travaux majeurs de Jacques Le Goff sur la figure de Saint-Louis, eh bien, il a lancé, pourrait-on dire, des chercheurs sur ses pas et que vous faites partie de tous ceux et de toutes celles qui renouvellent profondément la France du XIIIe siècle et le regard qu'on peut porter sur elle. Merci encore. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Jacques Hubert nous a accompagnés aujourd'hui, était à la technique avec nous, et Renaud Dalmar à la réalisation. Et sachez que cet après-midi à 14h, eh bien, l'émission Entendez-vous, l'écho traite, comme toute cette semaine, des prisons, de l'économie des prisons, du travail en prison. C'était hier et aujourd'hui, eh bien, on traitera dans Entendez-vous, l'écho. Maïlys Besserie recevra 2 invités pour évoquer la prison représentée telle qu'on la voit dans les séries et dans le cinéma et dans les films.